La cité de Dieu de saint Augustin, livre 14e, Le péché originel. Tome 3, édition Charpentier, 1855. Traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 8. Des trois seuls mouvements que les stoïciens consentent à admettre dans l'âme du sage, à l'exclusion de la douleur ou de la tristesse, qu'il croit incompatible avec la vertu. Les stoïciens substituent dans l'âme du sage aux perturbations trois mouvements de l'âme que la langue grecque appelle pathie, bonne passion, de œil accent grave, et de pathos. Et Cicéron Constantiae, Tusculane, livre 4. Il remplace le désir par la volonté, la joie par le contentement, et la crainte par la précaution. Quant à la souffrance ou à la douleur, que nous avons de préférence appelée tristesse afin d'éviter toute ambiguïté, il prétend que rien de semblable ne peut se rencontrer dans l'âme du sage. La volonté, disent-ils, se porte vers le bien, qui est ce que fait le sage. Le contentement est la suite du bien accompli, et le sage accomplit toujours le bien. Enfin, la précaution évite le mal, et le sage le doit constamment éviter. Mais la tristesse naissant du mal qui survient, comme il ne peut survenir aucun mal au sage, rien dans l'âme du sage ne peut tenir la place de la tristesse. Ainsi, dans leur langage, volonté, entendement, précaution, voilà qui n'appartient qu'au sage, et le désir, la joie, la crainte et la tristesse, sont le partage de l'insensé. Les trois premières affections sont ce que Cicéron appelle Constantiae, les quatre autres, sont ce que le même philosophe appelle perturbation, et le langage ordinaire passion. Et cette distinction des affections du sage et de celle du vulgaire est marquée en grec par les mots de pathé et de pathe. J'ai voulu examiner si ces manières de parler des stoïciens étaient conformes à l'écriture, et j'ai trouvé que le prophète dit qu'il n'y a pas de contentement d'esprit pour les impies, Isaïe 70:57-21. Le propre des méchants étant plutôt de se réjouir du mal que d'être content, ce qui n'appartient qu'aux gens de bien. J'ai aussi trouvé dans l'Évangile « Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent », Matthieu 6:12. Comme si l'on ne pouvait vouloir que le bien, le mal étant l'objet des désirs, mais non celui de la volonté. Il est vrai que quelques versions portent tout le bien que vous voulez qu'il vous fasse, par où on a coupé court à toute interprétation mauvaise, de crainte par exemple que dans le désordre d'une orgie, quelque débauché ne se crût autorisé à l'égard d'autrui à une action honteuse sous la seule condition de la subir à son tour. Mais cette version n'est pas conforme à l'original grec, et j'en conclus qu'en disant tout ce que vous voulez qu'il vous fasse, l'apôtre a entendu tout le bien, car il ne dit pas que vous désirez qu'il vous fasse, mais que vous voulez. Au surplus, bien que ces sortes d'expressions soient les plus propres, il ne faut pas pour cela s'y assujettir. Il suffit de les prendre en cette acception dans les endroits de l'écriture où elles n'en peuvent avoir d'autres, tels que ceux que je viens d'alléguer. Ne dit-on pas en effet que les impies sont transportés de joie, bien que le Seigneur ait dit, il n'y a pas de contentement pour les impies, Isaïe 70:57-21. D'où vient cela, sinon de ce que contentement veut dire autre chose que joie, quand il est employé proprement et dans un sens étroit? De même, il est clair que le précepte de l'Évangile, ainsi exprimé, faites aux autres ce que vous désirez qu'ils vous fassent, Matthieu 7:12, n'impliquerait pas la défense de désirer des choses déshonnêtes, au lieu qu'exprimer de la sorte, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Il est salutaire et vrai. Encore une fois, d'où vient cela, sinon de ce que la volonté, prise en un sens étroit, ne peut s'entendre qu'en bonne part? Et cependant, il est certain que cette manière de parler ne serait point passée en usage. Ne veuillez point mentir, Ecclésiaste 7, 14. S'il n'y avait aussi une mauvaise volonté, profondément distincte de celle que les anges ont recommandée par ces paroles, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, Luc 2, 14. Ce serait inutilement que l'Évangile ajoute très bonne, s'il n'y en avait aussi une mauvaise. D'ailleurs, quelle si grande louange l'apôtre aurait-il donné à la charité, lorsqu'il a dit, qu'elle ne prend point son contentement dans le mal. 1 Corinthiens 13, 6, si la malignité ne l'y prenait. Nous voyons aussi que les auteurs profanes se servent indifféremment de ces termes. « Je désire, père conscrit, dit le grand orateur Cicéron, ne point sortir des voies de la douceur, Catilinaire, 1 chapitre 2. Il prend ici le désir en bonne part. Dans Terence, au contraire, le désir est pris en mauvaise part. Il introduit un jeune libertin, Farinus, qui, brûlant d'assouvir sa convoitise, s'écrie « Je ne veux rien que Philuména, Andrienne acte 2, scène 1. » La preuve que cette volonté n'est qu'une ardeur brutale, c'est la réponse du vieux serviteur, Biri. Ah, qu'il vaudrait mieux prendre soin d'éloigner cet amour de votre cœur que d'irriter inutilement votre passion par de pareils discours. Quant au contentement, que les auteurs païens l'aient aussi employé en mauvaise part, Virgile seul suffit pour le prouver, dans ce vers si plein et si précis où il embrasse les quatre passions de l'âme, et de là leurs craintes, et leurs désirs, leurs douleurs et leurs contentements. Énéide, livre 6. Le même poète dit encore, les mauvais contentements de l'esprit. Énéide, livre 6. C'est donc un trait commun des bons et des méchants de vouloir, de se tenir en garde et d'être content, ou pour m'exprimer d'une autre sorte. Les bons et les méchants désirent, craignent et se réjouissent également, mais les uns bien, les autres mal, selon que leur volonté est bonne ou mauvaise. La tristesse même, à laquelle les stoïciens n'ont pu rien substituer dans l'âme de leurs sages, se prend aussi quelquefois en bonne part, surtout dans nos auteurs. L'apôtre loue les Corinthiens de s'être attristés selon Dieu. Quelqu'un dira peut-être que cette tristesse dont saint Paul les félicite venait du repentir de leur faute, car c'est en ces termes qu'il s'exprime. Quoique ma lettre vous ait attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à faire pénitence. Votre tristesse a été selon Dieu, et ainsi vous n'avez pas sujet de vous plaindre de nous. Car la tristesse qui est selon Dieu produit un repentir salutaire dont on ne se repent point, au lieu que la tristesse du monde cause la mort. Et voyez déjà combien cette tristesse selon Dieu a excité votre vigilance. 2 Corinthiens 8, 8 à 11. À ce compte, les stoïciens peuvent répondre que la tristesse est, à la vérité, utile pour se repentir, mais qu'elle ne peut pas tomber en l'âme du sage, parce qu'il est incapable de pécher pour se repentir ensuite et que nul autre mal ne peut l'attrister. Voyez Cicéron, Tusculane, livre 3. On rapporte qu'Alcibiade, qui se croyait heureux, pleura, quand Socrate lui eut prouvé qu'il était misérable, parce qu'il était fou. La folie donc fut cause en lui de cette tristesse salutaire qui fait que l'homme s'afflige d'être autre qu'il ne devrait. Or, ce n'est pas aux fous que les stoïciens interdisent la tristesse, mais aux sages. Chapitre 9. du bon usage que les gens de bien font des passions. Voilà ce que les stoïciens peuvent dire, mais nous avons déjà répondu là-dessus à ces philosophes au 9e livre de cet ouvrage, chapitre 4, 5, où nous avons montré que ce n'est qu'une question de nom et qu'ils sont plus amoureux de la dispute que de la vérité. Parmi nous, selon la divine écriture et la saine doctrine, les citoyens de la sainte cité de Dieu qui vivent selon Dieu dans le pèlerinage de cette vie, craignent, désirent, s'affligent et se réjouissent. Et comme leur amour est pur, toutes ces passions sont en eux innocentes. Ils craignent les supplices éternels et désirent l'immortalité bienheureuse. Ils s'affligent, parce qu'ils soupirent encore intérieurement dans l'attente de l'adoption divine, qui aura lieu lorsqu'ils seront délivrés de leur corps. Romains 8, 23. Ils se réjouissent en espérance, parce que cette parole s'accomplira, qui annonce que, la mort sera absorbée dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. Bien plus, ils craignent de fléchir, ils désirent de persévérer, ils s'affligent de leurs péchés, ils se réjouissent de leurs bonnes œuvres. Ils craignent de pécher, parce qu'ils entendent que la charité se refroidira en plusieurs, quand ils verront le vice triompher. Matthieu 24, 12. Ils désirent de persévérer, parce qu'il est écrit, qu'il n'y aura de sauvé que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Matthieu 10, 22. Ils s'affligent de leurs péchés, parce qu'il est dit, si nous nous prétendons exempt de tout péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Jean 1, 8. Ils se réjouissent de leurs bonnes œuvres, parce que saint Paul leur dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. D'ailleurs, selon qu'ils sont faibles ou forts, ils craignent ou désirent d'être tentés, et s'affligent ou se réjouissent de leur tentation. Ils craignent d'être tentés, à cause de cette parole, si quelqu'un tombe par surprise en quelque péché, vous autres qui êtes spirituels, ayez soin de l'en reprendre avec douceur, dans la crainte d'être tentés comme lui. Galates 6, 1. Ils désirent d'être tentés, parce qu'ils entendent un homme fort de la cité de Dieu, qui dit, « Éprouvez-moi, Seigneur, et me tentez, brûlez mes reins et mon cœur. » Psaume 25, 11. Ils s'effraient dans les tentations, parce qu'ils voient saint Pierre pleurer. Matthieu 26, 75. Ils se réjouissent dans les tentations, parce qu'ils entendent cette parole de saint Jacques. N'ayez jamais plus de joie, mes frères, que lorsque vous êtes attaqués de plusieurs tentations. Jacques 1, 2. Or, ils ne sont pas seulement touchés de ces mouvements pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux dont ils désirent la délivrance et craignent la perte, et dont la perte ou la délivrance les afflige ou les réjouit. Pour ne parler maintenant que de ce grand homme qui se glorifie de ses infirmités, 2 Corinthiens 12, 5, de ce docteur des nations qui a plus travaillé que tous les autres apôtres. 1 Corinthiens 15, 10, et qui a instruit ceux de son temps et toute la postérité par ses admirables épîtres, du bienheureux saint Paul, de ce brave athlète de Jésus-Christ, formé par lui, Galates 1, 12, point par lui, crucifié avec lui, Galates 1, 19, glorieux en lui, combattant vaillamment sur le théâtre de ce monde à la vue des anges et des hommes, 1 Corinthiens 4, 9, et s'avançant à grands pas dans la carrière pour remporter le prix de la lutte, Philippiens 3, 14, qui ne serait ravi de le contempler des yeux de la foi, se réjouissant avec ceux qui se réjouissent, pleurant avec ceux qui pleurent, Romains 12, 15, ayant à soutenir des combats au dehors et des frayeurs au dedans. 2 Corinthiens 7, 5, souhaitant de mourir et d'être avec Jésus-Christ. Philippiens 1, 23, désirant de voir les Romains, pour amasser du fruit parmi eux, comme il avait fait parmi les autres nations. Romains 1, 11, 13, ayant pour les Corinthiens une sainte jalousie qui lui fait appréhender qu'ils ne se laissent séduire et qu'ils ne s'écartent de l'amour chaste qu'ils avaient pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, 2, 3, touché pour les Juifs d'une tristesse profonde et d'une douleur continuelle qui le pénètre jusqu'au cœur. Romains 9, 2, de ce qu'ignorant la justice dont Dieu est auteur, et voulant établir leur propre justice, ils n'étaient point soumis à Dieu. Romains 10, 3, saisis enfin d'une profonde tristesse au point d'éclater en gémissements et en plaintes au sujet de quelques-uns qui, après être tombés dans de grands désordres, n'en faisaient point pénitence. 2 Corinthiens 12, 21. Si l'on doit appeler vice ces mouvements qui naissent de l'amour de la vertu et de la charité, il ne reste plus que d'appeler vertu les affections qui sont réellement des vices. Mais puisque ces mouvements suivent la droite raison, étant dirigés où il faut, qui oserait alors les appeler des maladies de l'âme ou des passions vicieuses? Aussi notre Seigneur, qui a daigné vivre ici-bas revêtu de la forme d'esclave, mais sans aucun péché, a fait usage des affections, lorsqu'il a cru le devoir faire. Comme il avait véritablement un corps et une âme, il avait aussi de véritables passions. Lors donc qu'il fut touché d'une tristesse mêlée d'indignation, Marc 3:5, en voyant l'endurcissement des Juifs, et que, dans une autre occasion, il dit « Je me réjouis pour l'amour de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » Jean 11, 15, quand, avant de ressusciter Lazare, il pleura, Jean 11, 35, quand il désira ardemment de manger la Pâque avec ses disciples, Luc 22, 15, quand enfin son âme fut triste jusqu'à la mort aux approches de sa passion, Matthieu 26, 38. Nous ne devons point douter que toutes ces choses ne se soient effectivement passées en lui. Il s'est revêtu de ses passions quand il lui a plu pour l'accomplissement de ses desseins, comme il s'est fait homme quand il a voulu. Mais quelque bon usage qu'on puisse faire des passions, il n'en faut pas moins reconnaître que nous ne les éprouverons point dans l'autre vie, et qu'en celle-ci elles nous emportent souvent plus loin que nous ne voudrions, ce qui fait que nous pleurons même quelquefois malgré nous, dans une effusion d'ailleurs innocente et toute de charité. C'est en nous une suite de notre condition faible et mortelle, mais il n'en était pas ainsi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était maître de toutes ses faiblesses. Tant que nous sommes dans ce corps fragile, ce serait un défaut d'être exempt de toute passion, car l'apôtre blâme et déteste certaines personnes qui l'accusent d'être sans amitié, Romains 1, 31. Le psalmiste de même condamne ceux dont il dit « J'ai attendu quelqu'un qui prendrait part à mon affliction, et personne n'est venu. » Psaume 68, 21. En effet, n'avoir aucun sentiment de douleur, tandis que nous sommes dans ce lieu de misère, c'est, comme le disait un écrivain profane, Crantor, un état que nous ne saurions acheter qu'au prix d'une merveilleuse stupidité. Voilà pourquoi ce que les Grecs appellent apathie, mot qui ne pourrait se traduire que par impassibilité, c'est-à-dire cet état de l'âme dans lequel elle n'est sujette à aucune passion qui la trouble et qui soit contraire à la raison, est assurément une bonne chose et très souhaitable, mais qui n'est pas de cette vie. Écoutez, en effet, non pas un homme vulgaire, mais un des plus saints et des plus parfaits, qui a dit, Si nous nous prétendons exemple de tout péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Jean 1, 8. Cette apathie n'existera donc en vérité que quand l'homme sera affranchi de tout péché. Il suffit maintenant de vivre sans crime, et quiconque croit vivre sans péché éloigne de lui moins le péché que le pardon. Si donc l'apathie consiste à n'être touché de rien, qui ne voit que cette insensibilité est pire que tous les vices, on peut fort bien dire, il est vrai, que la parfaite béatitude dont nous espérons jouir en l'autre vie sera exempte de crainte et de tristesse, mais qui peut soutenir avec quel comble de raison que l'amour et la joie en seront bannis? Si par cette apathie on entend un état entièrement exempt de crainte et de douleur, il faut fuir cet état en cette vie, si nous voulons bien vivre, c'est-à-dire vivre selon Dieu. Mais pour l'autre, où l'on nous promet une félicité éternelle, la crainte n'y entrera pas. Cette crainte, en effet, dont saint Jean dit, la crainte ne se trouve point avec la charité, car la charité parfaite bannit la crainte, parce que la crainte est pénible. Cette crainte, dis-je, n'est pas du genre de celle qui faisait redouter à saint Paul que les Corinthiens ne se laissassent surprendre aux artifices du serpent. 2 Corinthiens 11 3 Attendu que la charité est susceptible de cette crainte, ou, pour mieux dire, il n'y a que la charité qui en soit capable, mais elle est du genre de celle dont parle ce même apôtre quand il dit « Vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour vivre encore dans la crainte. » Romains 8, 15. Quant à cette crainte chaste, qui demeure dans le siècle du siècle, Psaume 18, 10, si elle demeure dans le siècle à venir, et comment entendre autrement le siècle du siècle, ce ne sera pas une crainte qui nous donne appréhension du mal, mais une crainte qui nous affermira dans un bien que nous ne pourrons perdre. Lorsque l'amour du bien acquis est immuable, on est en quelque sorte assuré contre l'appréhension de tout mal. En effet, cette crainte chaste dont parle le prophète signifie cette volonté par laquelle nous répugnerons nécessairement au péché, en sorte que nous éviterons le péché avec cette tranquillité qui accompagne un amour parfait, et non avec les inquiétudes qui sont maintenant des suites de notre infirmité. Que si toute sorte de crainte est incompatible avec cet état heureux où nous serons entièrement assurés de notre bonheur, il faut entendre cette parole de l'Écriture, la crainte chaste du Seigneur qui demeure dans le siècle du siècle, au même sens que celle-ci, la patience des pauvres ne périra jamais, Psaume 9, 19, non que la patience doive être réellement éternelle, puisqu'elle n'est nécessaire qu'où il y a des maux à souffrir, mais le bien qu'on acquiert par la patience sera éternel. Au même sens peut-être où l'Écriture dit que la crainte chaste demeurera dans le siècle du siècle, parce que la récompense en sera éternelle. Ainsi, puisqu'il faut mener une bonne vie pour arriver à la vie bienheureuse, concluons que toutes les affections sont bonnes en ceux qui vivent bien, et mauvaises dans les autres. Mais dans cette vie bienheureuse et éternelle, l'amour et la joie ne seront pas seulement bons, mais assurés, et il n'y aura ni crainte ni douleur. Par là, on voit déjà en quelque façon quels doivent être dans ce pèlerinage les membres de la cité de Dieu qui vivent selon l'esprit et non selon la chair, c'est-à-dire selon Dieu et non selon l'homme, et quels ils seront un jour dans cette immortalité à laquelle ils aspirent. Mais pour ceux de l'autre cité, c'est-à-dire pour la société des impies qui ne vivent pas selon Dieu, mais selon l'homme, et qui embrassent la doctrine des hommes et des démons dans le culte d'une fausse divinité et dans le mépris de la véritable, ils sont tourmentés de ces passions comme d'autant de maladies, et si quelques-uns semblent les modérer, on les voit enflés d'un orgueil impie, d'autant plus monstrueux qu'ils en ont moins le sentiment. En se haussant jusqu'à cet excès de vanité de n'être touché d'aucune passion, non pas même de celle de la gloire, ils ont plutôt perdu toute humanité qu'ils n'ont acquis une tranquillité véritable. Une âme n'est pas droite pour être inflexible, et l'insensibilité n'est pas la santé. Markendanarchive.org 2019. D'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.